Chapitre 6. Où est allé ton bien-aimé, ô toi la plus belle des femmes? De quel côté s'est-il tourné, ton bien-aimé? Nous t'aiderons à le chercher. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, versé par terre d'aromates, pour faire paître son troupeau et pour cueillir des lys dans le jardin. Moi, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, lui qui fait paître son troupeau dans les prés pleins de lys. Que tu es belle, ô mon ami, comme Tirsa. Tu es superbe, tout comme Jérusalem, et redoutable comme des soldats rangés sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du mont Galade. Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis qui reviendrait du lavoir. Chacune d'elles a sa jumelle, aucune n'est solitaire. Tes joues ressemblent à des moitiés de grenades dessous ton voile. Il y a 60 reines et 80 épouses de second rang, des jeunes filles sans nombre. Mais une seule est ma colombe et ma parfaite. Pour sa mère, elle est unique. Elle est l'enfant préféré de celle qui l'enfanta. Les jeunes filles, en la voyant, disent qu'elle est bien heureuse. Toutes les reines et les épouses de second rang font son éloge. Qui donc est celle qui apparaît comme l'aurore et qui est belle comme la lune, brillante comme un soleil ? Mais redoutables comme des soldats rangés sous leur bannière. Je venais de descendre au jardin des noyers pour regarder les pousses dans le vallon et pour voir si la vigne avait déjà fleuri et si les grenadiers étaient déjà en fleurs. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée, poussée par mon désir, au beau milieu des chars des hommes de mon prince.